Les deux camarades. Conte. Deux amis se promenaient dans la forêt. Un ours surgit et se jeta sur eux. L'un grimpa sur un arbre et se cacha, tandis que l'autre restait sur la route. Il se laissa tomber par terre et finit d'être mort. L'ours s'approcha et flaira l'homme, mais comme celui-ci retenait son souffle, l'animal le crut mort et s'éloigna. Quand l'ours fut loin, l'autre descendit de l'arbre et demanda en riant à son camarade « Qu'est-ce donc que l'ours te disait à l'oreille ?»« Il me disait que celui qui abandonne son ami dans le péril est un lâche. »